Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés à la période où l'État essaie de démanteler les bidonvilles qui sont assez nombreux sur le territoire français. Mais ce démantèlement pose un problème à l'État, c'est qu'il doit reloger des familles, alors que jusqu'à présent, il devait loger des travailleurs seuls. Et ces travailleurs, il pouvait les entasser dans des logis collectifs. Alors pour ces familles, il y a les cités de transit qu'on évoquait la semaine dernière. S'il n'y avait pas la discrimination raciste, ces familles pourraient aussi aller en HLM, simplement elles n'y accèdent concrètement pas. Ces discriminations sont tellement normalisées qu'en 1959, le Conseil national des HLM est obligé de rappeler dans une note que l'accès que statutairement les étrangers ont le droit d'accéder aux HLM. Et ça pose un problème réel, c'est que comment résorber les bidonvilles s'il n'est pas possible de mettre ces familles dans les HLM ? Les cités transit sont une première solution, c'est un habitat qui a été pensé spécifiquement pour loger les familles indigènes, et c'est un habitat temporaire, tandis que les familles blanches, on les installe plutôt dans les logements HLM. Et accueillir des Algériens dans les HLM, à cette époque-là, c'est même pas la peine d'y penser. Dans les années 60, la Sonacotral a du mal à trouver des terrains pour construire les foyers de travailleurs immigrés. Elle va avoir l'idée de construire des ensembles qui mélangent HLM de type logis, foyers de travailleurs immigrés, centre social. La Sonacotral fait une proposition qui implique une population mixte, donc ça passe mieux. Ça lui permet de décrocher des terrains. Parce que la cité de transit ou le bidonville, c'est vu par la société comme des endroits qui concentrent des indigènes. Et ça crée une sorte de peur panique, le ghetto d'Algériens, le ghetto de Nord-Africains. Sauf que hier, la règle, c'était de maintenir les Algériens entre eux, dans un ghetto hors de vue des Français. Comment est-ce qu'on est passé à l'idéal inverse ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup ça devient exactement la chose à éviter ? Pourquoi est-ce que la mixité ça devient le nouvel impératif ? Peut-être parce que dans l'inconscient des Français à partir de cette décennie-là, des Algériens qui vivent entre eux, c'est synonyme d'organisation politique. Si on les laisse entre eux, ils vont s'organiser, et il y a un moment où ça va devenir dangereux pour notre pays. C'est peut-être même complètement inconscient. Mais c'est une explication plausible de ce retournement. Au lieu d'assumer qu'il discrimine, l'État rationalise. C'est un peu toujours la même recette, c'est-à-dire qu'il y a ce discours qui dit qu'on est obligé de discriminer à cause de ce qu'est l'indigène. S'il était différent, on n'aurait pas besoin de le contrôler, de le réprimer. Donc dans ce cas précis, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas trop d'Algériens dans les HLM ? Parce que leurs familles sont trop nombreuses, parce qu'ils sont trop bruyants, parce que leurs salaires sont trop bas, etc. De ce point de vue-là, rien de nouveau, la perspective toujours est renversée. Ce n'est pas la discrimination, le problème, c'est l'indigène, et ce qu'il est. Alors pour inciter à attribuer des logements tout en calmant cette peur panique, viendra l'idée d'imposer des quotas de 15% d'Algériens dans les HLM. Mais ce pourcentage peut atteindre 30% dans les logicaux lyonnais. Là, on suit vraiment la logique de la dispersion, c'est-à-dire diluer une population. Si on les laisse entre eux, ils vivent à leur manière, et ça c'est très dangereux. La dispersion de cette population, c'est la première étape vers l'assimilation. Après l'indépendance algérienne en 1962, la Sonacotral devient la Sonacotral et s'occupe désormais de tous les étrangers. Elle va également récupérer la charge de loger les harkis. Pour les harkis, le quota qui sera fixé sera de 30%. Pourquoi est-ce que le pourcentage est plus élevé ? Est-ce que c'est parce que les harkis ont déjà donné des gages d'assimilation ? En tout cas, on est déjà clairement dans un système de quotas. Quotas indexés sur le niveau de dangerosité supposé de telle catégorie. C'est aussi un système qui va mettre en concurrence les étrangers parce que désormais, dans les 15%, il y a différentes nationalités. Les Italiens et les Espagnols étant les chouchous pour les raisons vues la semaine dernière, les non-blancs et les Portugais vont passer derrière. Ça ira quand même un petit peu plus vite pour nos cousins portugais, mais dans le même temps, eux, les HLM, ça ne les intéresse pas. Forcément, ils préfèrent les appartements dans les vieux immeubles ou les pavillons à retaper ou encore les loges de concierges. En tout cas, la France a des décennies d'expérience en matière de ségrégation et de gestion de populations différentes. Là-dedans, la constante, c'est que si les indigènes sont moins bien traités, c'est toujours à cause de ce qu'ils sont. Si la volonté avait été vraiment de rompre authentiquement avec le racisme, il aurait fallu que la France s'arrête à ce moment-là, et avec un certain courage politique, qu'elle examine toutes les politiques de hiérarchisation raciale, qu'elle les reconnaisse pour ce qu'elles étaient, des traitements racistes, et à ce moment-là, tourner la page en reconnaissant que la France avait eu tort de faire de l'indigène un sous-homme, un danger dont il faut se protéger, une nuisance, un inadapté, etc. C'est pas du tout le choix qui est fait. Au lieu de remettre en cause la société et ses hiérarchies, l'assimilationnisme va trouver un nouveau souffle. Donc le nouveau motto, c'est: pour que la cohabitation fonctionne, il faut que l'indigène se défasse de tout ce qu'il est. Quant aux Blancs à qui on a répété pendant des décennies qu'ils étaient trop bien pour côtoyer des colonisés, on les place du jour au lendemain dans les mêmes immeubles, les mêmes villes, les mêmes quartiers, les mêmes grands ensembles et les mêmes écoles. Et on s'étonne que ça crée de la friction. Évidemment, il va se trouver des gens pour dire que dans leur immeuble, dans leur quartier, dans leur ville, ça se passait dans une bonne entente. Mais ça, c'est un peu comme Pascal Pro qui ne croit pas au réchauffement climatique parce qu'un jour au mois de mai, dans les Yvelines, il a fait 3 degrés le matin. Mais la vérité, même s'il y a eu de belles expériences, dans l'ensemble, ça a créé des tensions, des violences, des meurtres même. Meurtres qui sont couverts par l'État. Dans un reportage de l'époque fait par la télévision française, des journalistes vont dans un quartier et étonnamment, ils n'interrogent que des Français qui ont un problème, un seul, le comportement des immigrés. Puisqu'il n'est pas prévu que l'ancien colonisé, l'immigré, vienne comme il est. Et quand une vie non blanche est supprimée, ce qui arrivera beaucoup dans les années 70, l'État ferme quasiment les yeux, c'est-à-dire qu'il organise l'impunité. L'État qui lui-même a présenté l'Algérien comme une menace pendant des décennies, il ne porte plus ce discours officiellement, mais c'est sa population qui l'a repris à son compte et qui même lui donne réalité via ses milices ou ses ratonnades. L'État se défausse, fait semblant d'être neutre, tape sur les doigts et on passe à autre chose. Mais la représentation que l'État a diffusée de l'indigène pendant des décennies, elle ne disparaît pas parce que l'État cesse, elle est simplement endossée par d'autres acteurs. La représentation de l'arabe voleur, violeur, agresseur, fainéant, menace démographique, etc., elle est encore bien vivace. Simplement, elle est endossée par d'autres acteurs. Les Blancs craignent aussi l'indigénisation, comme ils ont été éduqués à le faire. L'indigénisation, c'est ce qui arrive à celui qui côtoie de trop près les indigènes. Sa valeur se dégrade. C'est pourquoi, dans les grands ensembles, l'école va devenir un problème. Il y a dans certaines écoles jusqu'à 70% d'immigrés. Alors qu'un instituteur déclare à l'époque dans un rapport officiel que le maximum supportable serait 25%. Donc, les ménages français déménagent pour mettre leurs enfants ailleurs. Pour eux, la cohabitation est impossible. L'école n'a pas changé, l'instituteur n'a pas changé, les enseignements n'ont pas changé. C'est simplement la cohabitation qui fait que dans leur esprit, leur traitement se dégrade. À cette époque-là, il est commun de parler de seuil de tolérance. Parfois même, c'est au niveau de la commune qu'on mesure le taux d'étrangers. Les habitants font des pétitions pour refuser la construction de foyers de travailleurs immigrés. Tel conseil municipal pourra faire une déclaration de saturation d'étrangers. Mais ne nous y trompons pas, c'est une présence qui a toujours été insupportable. Elle l'était dans les années 30, elle l'était dans les années 50. La différence, là, c'est que ça devient un problème politique de premier plan. Après, le fait de ne pas supporter cette présence, c'est une constante qui appartient à la société française. Mais comme elle se défausse sur les indigènes, alors, systématiquement, on met la focale sur l'indigène, son comportement, ses erreurs, ses incapacités. Et non seulement on observe l'immigré, mais en plus on met sur ses épaules la responsabilité du problème. C'est à lui de changer. Ce n'est pas à la société. En 1974, plusieurs dizaines de foyers Sonacotra se mettent en lutte. Ils protestent contre les conditions de logement, contre la cherté des loyers et contre les règlements militaires qui leur sont imposés. Une coordination de lutte se met en place et c'est une lutte qui va durer 6 ans. Elle se terminera par des arrêtés d'expulsion et par des saisies sur salaire. Et la plus spectaculaire de ces expulsions, ce sera celle de Garges-lès-Gonesse, le 22 juin 1979. On peut quasiment parler d'opération militaire. Elle a été préparée pendant 3 jours par le préfet. Ils ont mobilisé 1000 CRS pour expulser 250 habitant du foyer. La couverture de l'épisode d'aujourd'hui a été prise ce jour-là par le photographe Sebastião Salgado. En 1975, ce sont les premières installations massives d'Algériens à la Courneuve, Stains, Aulnay-sous-Bois, de Marocains à Poissy, Trappes, de Turcs, d'Africains subsahariens, etc. Désormais, ce sont des familles qui s'installent. Et ça, c'est une réalité nouvelle. La ségrégation va quand même s'organiser de fait par le départ progressif des familles blanches. Eux partent aussi parce que ça manque d'activités pour les enfants et pour les jeunes, et parce que, à cette époque, les politiques incitent les Français à investir dans des pavillons. Donc on se trouve progressivement dans des ensembles à majorité non blancs. Et les politiques d'exception qui, hier, étaient rattachées à des populations spécifiques, les Français musulmans d'Algérie, elles vont évoluer dans la forme, c'est désormais le quartier d'habitation qui fait le périmètre de ces politiques spécifiques d'accompagnement social. C'est en 1977 la mise en place du comité Habitat et Vie sociale qui relève déjà de la logique de la politique de la ville avec des actions transversales qui relèvent de plusieurs ministères et qui sont appliquées à des quartiers précis. Au passage, c'est aussi à cette période que naît la tendance des maires à privilégier les opérations immobilières lucratives au patrimoine local, cette mauvaise habitude qui a créé l'homogénéisation des villes et qui fait que, à part les centres historiques muséifiés, beaucoup de villes françaises se ressemblent. C'est pour suivre cette logique que, petit à petit, les poches d'habitats immigrés ou très pauvres dans les centres-villes vont être démolies pour laisser la place, par exemple, à des centres commerciaux comme ça a été le cas à Lyon ou à Toulouse. Ce qui va avec, évidemment, ce sont des expulsions forcées. À la fin des années 70, la France tente d'inciter au retour des immigrés au pays. Comme ça ne marche pas trop, elle choisit de procéder à des retours forcés. Elle veut aussi profiter du fait que, à la fin de l'année 1979, de nombreux certificats de résidence d'Algériens arrivent à expiration. Ça l'autoriserait à les expulser. Donc dès le début de l'année, la France affiche son ambition d'obtenir le départ de 500 000 Algériens sur un peu plus de 800 000 présents dans le pays en comptant les enfants. Seulement, ça va forcément faire l'objet d'accords et de négociations avec l'Algérie, et l'Algérie, elle, veut que le principe du volontariat soit préservé. Il est très important que les deux pays arrivent à une entente, parce qu'il n'y a pas que ça dans la balance. L'Algérie vend aussi son pétrole et son gaz à la France, et depuis peu, elle est majoritaire dans les sociétés pétrolières françaises présentes sur son sol. Donc c'est un équilibre précaire qu'il faut absolument préserver. Avec ce que propose la France, les travailleurs immigrés possédant une carte de résidence de 5 ou 10 ans renouvelable, verrait après ce projet cette carte remplacée par un titre unique, valable seulement un an et dont le renouvellement serait incertain. Ça veut dire que le droit du travail serait complètement inexistant pour ces immigrés. Et pour eux, ce serait vivre dans une angoisse permanente. En Algérie, l'Union des travailleurs manifeste dans plusieurs villes pour demander le respect des droits personnels des individus et le libre choix de retour pour eux. En plus de ces documents de séjour valables un an, le projet de la France est que les enfants algériens arrivant à leur majorité, auxquels précédemment on délivrait une carte provisoire renouvelable tous les 3 mois, puis tous les 5 ans et tous les 10 ans, désormais ils recevraient une autorisation de 3 mois renouvelable pendant un an. S'ajoute à ça le fait que les entrées sont strictement filtrées, tout ça donne un statut très précaire aux Algériens, qui veut dire que tout peut devenir prétexte à les expulser. Dans une lettre qu'il adresse au Monde, Béchir Belkacem, étudiant algérien à Paris, raconte comment son frère, originaire de Beni Abbès, est resté bloqué à la frontière parce qu'il lui manquait, en plus du certificat d'hébergement, un certificat d'action sanitaire, qui doit être délivré par la préfecture de police, et une justification d'emploi en Algérie, c'est-à-dire une fiche de paie, un certificat de travail ou un titre de congé. Et le policier à qui il a eu affaire lui a déclaré « Vous connaissez les problèmes que nous avons avec l'immigration ». Sauf que son frère, c'était un touriste, un fonctionnaire au pays, qui venait rendre visite à sa famille. Cela fait dire à M. Belkacem que « Le seul tort de mon frère était d'être algérien, tout cela est clair. Pour M. Stoléru, tout Algérien qui arrive en France ne peut être qu'un nouveau candidat à l'immigration, et s'il y a 18 millions d'Algériens, il y a automatiquement 18 millions de travailleurs immigrés ». La France se verrouille complètement et cherche le moindre prétexte pour expulser. Ainsi, en 1977, Madame Adjali, qui était une sociologue algérienne, avait été expulsée au prétexte qu'elle aurait été en situation irrégulière. Mais la vérité, c'est qu'on lui reprochait d'entretenir des relations avec un militant du mouvement guyanais de décolonisation. Et ça lui a pris 2 ans, donc jusqu'à 1979, pour arriver à casser cette expulsion. Donc, la liberté de circulation dont bénéficie tout Français d'aller et venir dans le monde à sa guise, à partir de là, la France la refuse aux Algériens, puis à l'ensemble des immigrés. Et de fait, c'est une inégalité, c'est ce qui choque. On trouve ça naturel aujourd'hui, parce qu'on a toujours vécu sous cette règle, mais en vérité, ça n'a rien de logique. Finalement, au terme des négociations avec l'Algérie, M. Stoleru proroge d'un an le droit au séjour de 400 000 travailleurs algériens. L'autre grande nouveauté, c'est que c'est la première génération massivement allée à l'école ici ou même née ici et qui ne se considère pas comme des Algériens. Dans leur esprit et dans l'esprit de leurs parents, ils sont des Français de culture, pas forcément des Français de nationalité. Mais dans le même temps, ils perçoivent qu'ils ne sont pas traités comme des Français, par exemple lorsque, après leurs études, ils font massivement l'expérience du chômage. En mars 1979, Le Monde leur consacre un article qui dépeint une jeunesse désabusée. Je cite « Pas de violence, peu de révolte, une immense détresse résignée et muette ». Ça veut dire que le racisme qu'ont subi leurs pères, ils le subissent aussi, et ils connaissent du chômage massivement. Ils peuvent être stagiaires, intérimaires, mais quand la boîte compresse les effectifs, c'est d'eux dont elle se débarrasse en priorité. Les jeunes hommes ont passé des CAP pour ne pas faire les jobs ingrats qui ont bousillé la santé des pères, mais l'embauche n'est pas forcément au rendez-vous. Pareil pour les jeunes femmes qui, parfois, ont obtenu un diplôme en couture, par exemple, et espèrent travailler comme la société le leur a promis, mais les usines ne prennent pas de femmes. L'administration ne recrute pas d'Algériens. Pour être, par exemple, aide-soignante, il faut être française. Et s'il manque d'emploi, pour espérer travailler, il faut accepter les jobs dont personne ne veut. Par exemple, retourner travailler à la mine. Si on n'accepte pas ça, c'est être au chômage. Mais être au chômage, c'est presque confirmer le discours de la société sur l'arabe feignant. Donc cette jeunesse, elle porte presque sur ses épaules toute la responsabilité du problème immigré. En liant la présence de l'indigène en France au travail, on n'a fait qu'un indigène qui ne travaille pas, c'est une anomalie. S'ajoute à ça le fait que le chômage est socialement stigmatisé, ce n'est que depuis 2010 que ce n'est plus honteux d'être chômeur en France. Tout ça crée de la tension entre la génération qui a littéralement fait des boulots de forçat sous les brimades, pour eux le travail c'est tout, et la génération qui, malgré l'école, malgré des conditions sociales meilleures qu'eux, malgré la maîtrise de la langue aussi, connaît le chômage. En plus de ça, pas de travail, ça veut dire pas de mariage, pas de travail, ça veut aussi dire pas d'honneur pour les jeunes hommes. C'est Abdelmalek Sayad qui a le mieux décrit les évolutions entre la génération des Algériens et celle des Français d'origine algérienne. Les premiers avaient des projets pour le pays, leur projet était tout à fait en phase avec le projet que la France avait pour eux, c'est-à-dire qu'ils partent. Tandis que la génération d'ici, la France n'a pas de projet pour eux, puisque un indigène, il n'est que sa valeur économique, ce qu'il rapporte, c'est-à-dire une main-d'œuvre. Et s'il ne rapporte rien, pire, s'il coûte, c'est un problème pour la société française. D'où le fait que la société va les dépeindre comme un problème. Or, eux, ils ont une vision décalée. On a bercé leurs parents avec l'illusion de l'inclusion. Eux sont complètement nés dedans. Ils ont grandi avec cette illusion. Ils grandissent comme des Français. Ils en ont la langue. Ils en ont les préoccupations aussi. Sayad écrivait à propos des parents « Ils ne se reconnaissent pas en nous ». Certains, à l'époque, ont parlé d'enfants illégitimes, d'enfants perdus même, étrangers aux yeux des parents. En plus de ça, la société française va s'immiscer dans le foyer en poursuivant les politiques d'émancipation des femmes indigènes. Les filles sont donc moins stigmatisées, plus susceptibles de trouver un job, et ça, ça crée un déséquilibre dans les familles. En baignant dans la société française, à travers l'école, à travers la mixité, la culture, ces enfants vont aussi parfois regarder les parents avec le regard de la société blanche. Via l'école, ils savent exactement quel est le comportement attendu d'eux, ils se conforment à cette injonction, et comme toute personne qui obéit malgré elle, ils ressentent de la colère pour celui qui n'obéit pas. Et donc la mère qui vient à l'école habillée à l'algérienne ou le père qui ne parle qu'arabe, eux voient ça aussi avec les yeux des blancs. Ils ont une double conscience. Et beaucoup ont révélé la honte qu'ils ont pu ressentir de leurs parents. Il faut savoir que la honte, c'est une émotion qui vient des attentes de l'autre par rapport à soi. Alors que la colère, c'est une émotion très différente, c'est une émotion qui vient de soi, qui dit « ma limite n'a pas été respectée ». La honte, elle vient de l'autre. Ça veut dire que c'est de l'intérieur que le foyer est attaqué. Les enfants intériorisent les valeurs d'émancipation de la femme, de francisation de la langue, de l'habillement, des comportements, des rôles hommes-femmes aussi, et ils sont trop jeunes pour discerner ce qui est à l'œuvre. Or, les aînés qui ont résisté depuis toujours à l'assimilation parce qu'ils ont toujours été entre eux, donc ça leur donnait plus de force pour résister, voilà que c'est la chair de leur chair qui s'en fait le promoteur. Et tout ça se passe dans une société qui passe son temps à scruter leurs moindres faits et gestes, à juger le moindre de leurs faux pas, parce que dès qu'un indigène faute, c'est comme s'il confirmait tout le mal qu'on pensait de lui. Ce qui s'est joué entre ces deux générations est immensément complexe, douloureux pour beaucoup. Certains, comme Slimane Dazy, ont su raconter avec bienveillance ce qui s'est noué là, mais en réalité, culturellement, c'est très complexe et délicat. Quand on vient installer sa famille en France, la préoccupation première, c'est une préoccupation économique. Offrir un avenir à ses enfants, construire un foyer dans des conditions économiques meilleures, vivre vraiment, c'est-à-dire vivre avec femme et enfants au lieu de survivre seul, pendant qu'on constitue ici un pécule qui va permettre de bien vivre au pays, puisque les jobs ici paient mieux. Mais on n'imagine pas forcément les conséquences culturelles et identitaires de ces choix. Il n'y avait aucune raison que les enfants grandissent différemment de comment les enfants avaient toujours grandi depuis des générations. Sauf que la jeunesse, cette jeunesse-là, elle est littéralement prise en charge par la société française, par l'école, par la télé, par les centres sociaux, les colonies de vacances. Et ça va acclimater la jeunesse comme les pères n'ont jamais été acclimatés. Les pères étaient confinés entre eux. Avec les familles, c'est le mouvement inverse. On sort les femmes du foyer par les associations, le travail ou l'alphabétisation. On mélange les enfants aux Sylvie, Caroline et Sophie. Et c'est ce qui va faire que cette génération va pousser comme des Français. Ils savent qu'à la maison, ils vivent différemment, sous d'autres règles, mais le mode de vie érigé en norme est celui des Français. Il y a presque une violence symbolique dans le fait de n'avoir jamais son mode de vie représenté. Et on peut être tenté de perpétuer cette négation en tuant l'Algérien en soi pour ne pas vivre en tension. C'est aussi la génération qui a été biberonnée à la mixité. Ils mettent cette valeur au-dessus de tout. Avoir eu des copines françaises, pour elles, c'est tout. De ça, on peut se rendre compte en regardant le documentaire « On nous appelait les beurettes ». On y voit des femmes de cette génération qui témoignent et on perçoit, comme pour elles, la mixité a quasiment été une idéologie. Il y a un discours intégrationniste très fort parce qu'ils ont aussi intégré la norme de la société de l'époque, sachant que je généralise pour rester sur les effets de masse. Mais c'est la génération qui a très mal accueilli l'islam visible, qui a été travaillée au corps par le féminisme, qu'on a aussi retrouvée plus tard séduite par NPNS. Parce que c'est très difficile de remettre en cause ce qu'on a intégré comme normal quand on s'est construit comme enfant puis comme adolescent. Mais ces choix-là, c'est une génération aussi qui a payé un coût très élevé d'être la génération de la rupture. Coût via les drogues, via les ruptures familiales. C'est une génération où il y a eu beaucoup de fugues aussi. C'est aussi une génération qui a été habituée à donner des signes ostensibles d'intégration qu'on exigeait d'elle de manière plus ou moins subtile. Donc qui pouvait dire « je regarde le cinéma français, je mange du porc, je picole, j'aime le classique ». C'est une performance qu'on leur demandait de fournir. Ce sont des comportements appris. Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire « Les Algériens de Lyon ». On y entend une grand-mère qui discute avec sa petite-fille, dont la mère est une intégrée. Tu parles rien que le français, il faut que tu apprennes à parler aussi l'arabe. Tu es une fille arabe, tu es une fille des arabes, mais tu habites la France. Tu es française ou arabe? Les deux. Les deux, les françaises et arabes, yek. Voilà, je rentre dans une boulangerie pour acheter du pain. Et en rentrant, après moi, deux dames européennes, c'était des coopérants, on avait des coopérants en Algérie. Elles sont rentrées, le boulanger les a vues, tout de suite, il leur a servi sur le comptoir deux gros pains marrons. Moi, j'ai jamais vu ce pain. J'ai demandé en arabe au boulanger, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est ce pain? Il me répond en arabe, khobz sigla. Khobz sigla, c'est le pain de seigle. Alors moi, je réponds en français. Yeah, c'est ça le pain de seigle? Alors le boulanger, il regarde les dames, les françaises. Il leur dit, oh, la mémé qui parle français. Je regarde le boulanger, je lui dis, ça vous étonne que je parle français? Il me dit, oui, comment? Une mémé qui parle français. Je lui dis, écoutez, fiston, À l'époque où moi, la mémé, je suis née, il y avait déjà la France qui avait planté ses racines dans le sol algérien. Si je parle français, c'est que j'ai vécu au milieu des Français et j'ai étudié le français. Et si j'ai demandé après ce pain, c'est que souvent j'ai entendu parler, mais c'est la première fois que je l'admire. Alors la dame, elle me dit, « Madame, vous avez entendu parler de ce pain ?» Je la regarde un moment et je lui dis, « C'est Victor Hugo qui parle dans ses œuvres. » Je vais vous citer un petit paragraphe d'une poésie. « Ces pauvres orphelins qui grelottaient de peur et de froid dans la nuit noire et qui sont nourris que d'un morceau de pain de seigle qu'on appelle le pain noir. » Victor Hugo. Elle n'a rien dit. Alors je regarde le boulanger et je lui dis, « Alors, ça vous étonne que la mémé parle français ?» Il n'a pas dit ça. Donc on entend que cette Heja n'a pas ce truc désintégré. Elle connaît Victor Hugo, mais elle est habillée comme au pays et elle veut absolument transmettre sa langue, sa religion et son identité à sa petite fille. Et même si la société oppose toutes ces choses, elle parvient à les vivre de manière harmonieuse. Mais elle y parvient parce qu'elle est forte, elle a l'âge de la sagesse, elle a l'expérience de la vie et l'expérience de la colonisation aussi. Les intégrés, eux, étaient jeunes. Ils ont subi une pression importante à l'intégration qu'ils ont intériorisée et eux pensent avoir choisi librement. C'est un bourrage de crâne qui leur a coûté cher, hein, beaucoup de mariages mixtes avec des ruptures familiales derrière, beaucoup de fugues, d'autodestruction. Et le discours officiel racontait qu'ils ne savaient plus quel était leur pays. C'était pas du tout ça leur problème. Leur problème, c'est qu'on les sommait de choisir et qu'il y avait un bon choix et un mauvais choix. La famille ou la société. La culture, le pays, l'identité ou la société française. Et s'ils faisaient le mauvais choix, ça justifiait de les rejeter. On n'a pas sommé les Portugais ou les Italiens de faire ce choix. On n'opposait pas la culture des Espagnols à la culture d'accueil. On ne salissait pas la culture espagnole. Il y avait des stéréotypes, bien sûr, mais pas un récit déshumanisant. On ne portait pas les Portugais en haute estime, mais on ne pensait pas qu'ils appartenaient à une autre espèce. Tandis que le regard français sur tout ce qui vient d'Algérie et plus largement des anciennes colonies, il consiste à ne voir l'autre qu'en termes de manque. Il n'est pas ce que le français est. Et c'est un crève-cœur que d'entendre l'intégré répéter bêtement « L'Algérie, c'est pas bien parce qu'on ne peut pas faire ci, parce qu'on ne peut pas faire ça. » Et qui ne parvient pas à voir l'Algérie et sa culture pour ce qu'elle est, différente, lui la voit inférieure, comme le blanc qui l'a éduqué. En 1980, l'Algérie et la France tombent d'accord pour le départ de 35 000 immigrés. C'est un sujet qui est abordé dans le film « Prends 10 000 balles et casse-toi » que vous trouverez sur Internet. La même année, le ministre de l'Intérieur sort une loi contre l'immigration clandestine. Désormais, on peut se faire expulser si on est en situation irrégulière ou si on a été condamné pour trouble à l'ordre public. 1980, c'est aussi le début des rétentions administratives, donc des centres de rétention. La même année est créé un groupe interministériel pour l'aménagement des banlieues, le GIAB. Il est appliqué à 13 communes pilotes, donc on commence à parler de banlieues. Fin 1980, le 24 décembre, 300 travailleurs maliens quittent le foyer où ils logeaient à Saint-Maur et ils espèrent s'installer à Vitry-sur-Seine. Mais le maire fait détruire l'accès au foyer de travailleurs en cours de construction, foyer dans lequel ils espéraient s'installer. C'est un maire PCF. Et il sera soutenu par Georges Marchais, alors secrétaire général du parti. Le maire PCF va même écrire au recteur de la mosquée de Paris qu'il avait interpellé, je lis. La présence en France de près de 4,5 millions de travailleurs immigrés fait que la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes. C'est pourquoi nous disons « il faut arrêter l'immigration » sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au chômage. Je précise bien « il faut stopper l'immigration officielle et clandestine » se trouve entassée dans ce qu'il faut bien appeler des ghettos, des travailleurs et des familles aux traditions, aux langues, aux façons de vivre différentes. Cela crée des tensions et parfois des heurts entre immigrés de divers pays. Cela rend difficile leur relation avec les Français. Quand la concentration devient très importante, la crise du logement s'aggrave, les HLM font cruellement défaut et de nombreuses familles françaises ne peuvent y accéder. Les charges d'aide sociale nécessaires pour les familles immigrées plongées dans la misère deviennent insupportables pour les budgets des communes. Voilà, ça c'est le discours d'un maire PCF qui adhère au discours sur le seuil de tolérance. Ces travailleurs logent dans des conditions épouvantables. L'hiver, ils ne sont pas protégés de la pluie ou de la neige. L'été, ils les étouffent dans des baraquements surpeuplés. Ces bâtiments sont pollués aussi. Ils peuvent y attraper la tuberculose, comme c'est arrivé dans ce foyer de Saint-Denis, rue d'Isère. Donc on a des Maliens, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens qui habitent des bâtiments parfois non prévus pour loger des humains et où l'électricité peut être défectueuse, donc très dangereux, mais c'est tout ce qu'ils parviennent à se payer. Cet événement de Vitry-sur-Seine, Mitterrand va l'exploiter pour abattre à lui le vote acquis au PCF. On va bientôt goûter à la socialiste touch qui est de l'enfumade très sophistiquée, c'est-à-dire que l'idée est de présenter la gauche comme favorable à l'immigration, du moins dans le discours, en faisant des promesses de type le droit de vote aux étrangers. Et puis il arrive toujours une bonne raison de ne pas tenir ses promesses. Et puis évidemment, l'autre problème auquel la jeunesse de l'immigration fait face, c'est le traitement policier et la répression. De ce point de vue-là, il n'y a aucune rupture. Par exemple, avec les contrôles d'identité, jusqu'aux années 80, les contrôles de police devaient obligatoirement être faits dans le cadre d'une enquête, donc basée sur un soupçon. Évidemment que la police ne se contentait pas de ça, mais ça la plaçait dans l'illégalité. La police va donc faire pression pour obtenir un cadre moins contraignant qui lui permettrait de contrôler plus largement. Elle va l'obtenir avec la loi Sécurité et Liberté de février 1981. Cette loi vient répondre à leurs attentes. Désormais, ils ont toute liberté pour contrôler, par exemple, pour prévenir une atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des biens et des personnes. L'ordre public, normalement, c'est ce qui relève de la tranquillité, la salubrité, la sécurité. Donc c'est vrai que là, ils peuvent interpréter largement l'autorisation qu'on leur donne. Ils ont aussi le droit de traîner au poste quiconque ne justifie pas son identité pour maximum 6 heures. Donc ça vient concrètement légaliser les contrôles intempestifs. Et c'est très difficile d'imaginer que ça n'a aucun rapport avec le fait que sur tout le territoire, des immigrés et des descendants d'immigrés désormais circulent librement et qu'en plus la France a pour projet de se débarrasser d'une partie d'entre eux. Depuis que les Blancs et les non-Blancs cohabitent, ce n'est jamais arrivé sans que l'État trouve un moyen de contrôler notre relative liberté de circulation. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, et dont vous vous souvenez peut-être, c'est que la dernière fois que la France a essayé de se débarrasser d'une partie des indigènes indésirables en métropole, la première population qu'elle a ciblée, c'était les détenus et les anciens détenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un arabe criminel, eh bien paradoxalement, en 1980, c'est un bon arabe pour la France, parce que c'est un arabe qu'on va pouvoir renvoyer au pays. Mitterrand est élu au mois de mai. Il devient président de la République, les politiques de retour et la loi Bonnet sont remises en cause. Comme ça, il peut dire qu'il défait les lois liberticides mises en place par la droite. Il régularise 131 000 sans-papiers qui ont démontré qu'ils étaient présents en France depuis le début de l'année et qu'ils avaient un emploi stable d'au moins un an. Mais tout ça, il le fait par calcul, pour exploiter le racisme et le sentiment anti-immigré qui va fragiliser son principal adversaire électoral, le RPR, en faisant gonfler le vote Front National. Parce que concrètement, sous gouvernement socialiste, la situation des étrangers ne va pas s'améliorer. Quand les Algériens viennent en France, ils doivent, en plus du passeport, présenter un billet retour qui garantit qu'ils retourneront au pays, et on les surveille comme le lait sur le feu. Quant à ceux qui vivent ici, ils continuent d'être davantage touchés par le chômage. C'est intéressant de revenir sur cette période qui est une période charnière où la génération de ceux nés ici succède à celle des travailleurs espérant n'être que de passage en France. Les premiers étaient très au clair sur qui ils étaient, sur leurs conditions d'hommes infériorisés ici, et aussi sur leurs objectifs, pourquoi ils venaient ici. Tandis que la génération née ici ou qui a grandi ici, la première, elle s'est trouvée déboussolée. Perdue par le discours contradictoire de la France qui disait qu'elle traite tout le monde pareil, et l'illusion de l'inclusion les a frappés de plein fouet. C'est avec leur génération qu'a commencé ce mouvement d'assimilation dont le but est de faire de nous des étrangers à nous-mêmes, à nos cultures, à nos pays d'origine. On peut regarder nos grands frères et nos grandes sœurs avec dédain, certains qu'on aurait fait mieux qu'eux. Ou bien on peut tirer les leçons de leurs erreurs pour ne pas les répéter et pour qu'elles n'aient pas été vaines. Et dans ce cas-là, nous pouvons dire que nous savons désormais que nous devons regarder nos aînés avec fierté. Leur capacité de rester eux-mêmes dans une société qui les dominait, c'était vraiment très fort. De ce point de vue-là, ils sont nos exemples. Nous savons désormais que la libération des femmes, c'est pas pour nous, parce que rien ne remplace une famille, des frères, un père, une communauté. Nous savons désormais que la mixité est une enfumade dont l'objectif est juste de nous couper des nôtres et d'empêcher que se transmettent nos cultures, nos langues, nos religions, nos traditions. et que quand on aura complètement rompu avec nos pays d'origine, la France, non seulement elle pourra y commettre ce qu'elle veut, mais peut-être même que ce sera nous qui l'aiderons à le faire, comme avec cette bourrique de Rachid Nekaz. Nous savons désormais que ce que la société française nous vend comme de la liberté nous mène en vérité à la destruction. Nous savons désormais que les féministes ne sont pas nos amis, parce que si elles prétendent nous aimer, nous, femmes indigènes, elles haïssent nos pères, nos frères et nos maris. Nous savons désormais que rien ne justifie un mauvais comportement, qu'en vivant dans les taudis les plus insalubres, dans une pauvreté terrible et sans droit de se défendre, nos aînés ont fait preuve de droiture, d'honneur et de dignité. Et nous savons désormais que quand la France nous fait croire qu'on est des Français à part entière, c'est dans l'espoir qu'on ne se sente plus faire partie d'une communauté, parce qu'elle sait bien que seuls, nous sommes impuissants. عليكم مني سلام الله مهب النسيم مهب النسيم على الأزهار عليكم مني رحمة الله ما نظرت العيون من الأبصار واجب عليكم استغفر الله واجب عليكم من حمد ليل ما تألمت الأجسام ما تألمت الأجسام من الأقدار متى نستريح من وحش الحباب وشبون مريح وتخدع الركايب وبرقون يا دوحون من تحت السحاب عذبني هواهم وكوى قلبي كيا عذبني هواهم وقلبك يا والله لا ننسى أبو ما هنو علي والله ما ننسى أبو ما دمني في الدنيا يا قلبي أصبر وتبت يقينك كل شيء مقدر ومكتوب في جبينك المحبوب تغفر والمولى يا عيبي مقصودي نراه في ساعة هنية مقصودي نراه في ساعة ننسى أبو ما هنو علي من قلبنا ننساه ما دمنا في الدنيا